Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Mérovingien, le podcast de vulgarisation de la cybersécurité. Dimanche 15 février 2021, 1300 patients sont admis à l'hôpital en France à cause du Covid. Et lundi matin, à minuit 40, l'hôpital de Villefranche-sur-Saône est attaqué. Il doit couper tout son système informatique. C'est le retour au papier. Nos hôpitaux français sont des cibles contre les attaques informatiques. Au fait, de quand datent les dernières attaques contre nos hôpitaux? Eh bien, sûrement aux dernières guerres, où les attaques étaient plutôt physiques. Aujourd'hui, les attaques sont informatiques. Les bombes sont informatiques. Les pirates informatiques s'organisent en bandes criminelles et attaquent depuis un pays étranger. À distance, quoi. Ils lancent des campagnes de ransomware qui vont chiffrer toutes les données et demander une rançon en échange de la clé qui devrait vous permettre de retrouver vos données intactes. L'entité attaquée, eh bien, elle se retrouve bloquée sans ces données et elle peut être tentée de payer la rançon pour débloquer la situation. L'hôpital, eh bien, c'est la cible de choix car la vie des patients est en jeu. La tentation de payer la rançon va être très forte. Le patient est de quel groupe sanguin? A-t-il des antécédents? Quel âge a-t-il? Tu peux me sortir son dossier? Aujourd'hui, de plus en plus d'informations sont gérées par des ordinateurs. Elles ont beaucoup de valeur puisqu'elles permettent de soigner les patients, voire de sauver leur vie. Eh bien, quelle valeur ont ces données? Quelle valeur à la vie du patient? De combien est la rançon en fait? Eh bien, les criminels, ils vont calculer le montant qui est acceptable pour vous. En combien de temps tu peux réparer le système? On peut accepter de nouveaux patients? Est-ce qu'on doit les rediriger vers notre hôpital? Eh bien, ce sont les questions qu'on va se poser après une attaque, qu'on n'a pas trop envie de se poser, d'ailleurs. En 2017, le ransomware WannaCry il a bloqué 16 hôpitaux anglais. En septembre 2020, le gouvernement allemand il a annoncé la mort d'une femme qui a été prise en charge dans une autre clinique parce que la clinique où elle devait aller a subi une attaque informatique. En 2020, il y a eu 27 attaques en France, dont celle de l'hôpital de Rouen. En février 2021, le gouvernement a compté qu'il y avait une attaque par semaine depuis le 1er janvier 2021. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble l'attaque de CHU de Rouen qui est assez bien documentée. Suivons trois personnages fictifs, trois destins qui vont se rencontrer. J'ai ajouté des éléments fictifs de contexte volontairement par pédagogie. Et je vous mettrai le lien pour les éléments factuels que j'ai repris. Donc on va suivre un infirmier, Léon, une informaticienne, Léa, qui travaille au CHU de Rouen. Et on a le pirate informatique, Robert, qui fait partie du groupe connu TA-505. Il y a plusieurs faits d'armes. Donc nous sommes en février 2019, 9 mois avant les événements. Les gilets jaunes battent le pavé. Léon, l'infirmier, est allé manifester pour ses conditions de travail. Et Léa râle parce qu'elle n'a pas assez de budget pour le parc informatique de l'hôpital. Bref, c'est le même combat. Robert, il fait sa journée de travail pour le groupe de hackers TA-505. Donc c'est un groupe qui travaille pour son compte ou comme prestataire. Voilà, vous pouvez demander les services du groupe de hackers. Et Robert, il est développeur sur le rançon logiciel Clop. C'est une arme puissante donc, du groupe TA-505. Et la première version vient de sortir. Les mois passent. Heureusement pour Léon, l'infirmier, ou pour Léa, l'informaticienne, on leur propose de nouveaux logiciels qui vont leur faire gagner de la productivité, du temps et donc du budget. Moins de papier, tout est informatisé. C'est beau le progrès. Dans sa vie quotidienne, Léon s'inscrit à des congrès. Il s'inscrit aussi sur des blogs spécialisés de santé. Et pour cela, il utilise son adresse mail professionnelle qui se termine en chu-rouen.fr. Léa, elle essaie de mettre à jour les PC qui tournent encore sur Windows XP. Il faut tout mettre à jour pour les nouveaux logiciels qui arrivent, sans acheter de nouvelles machines. C'est un vrai défi. D'ailleurs, Il y a même des machines Linux sur Spark Informatique. C'est assez hétérogène. Et pour Robert, eh bien, il travaille depuis 5 ans dans le groupe de hackers. Il résout des bugs de Clop, du ransomware Clop, et il aide son équipe à le déployer chez leur cible. Donc entre juin et novembre, le groupe organise 9 campagnes contre des groupes financiers et des hôpitaux. Le rythme de travail est assez important pour Robert, il n'y a pas de répit. Robert parle avec son collègue du groupe TA505, chacun a sa spécialité dans le groupe. Et ce collègue, il travaille à récupérer des identifiants sur le marché noir, des identifiants, des mails, des mots de passe, pour savoir quelles cibles ils vont attaquer. Donc à ce moment, les sites web de santé, ils sont piratés. Et les informations de mail et de mots de passe sont revendues sur le marché noir. Donc le 7 septembre 2019, il y a un expert du site Zataz qui alerte les autorités françaises car il a découvert parmi les contrevendus des noms de domaine chu-rouen.fr. On est 2 mois avant les événements. 1 mois après, donc le 16 octobre, il est tard. Léon, il travaille de nuit, il est fatigué. Léa, elle répare un bug informatique parce que ça empêche d'accéder au dossier des patients, c'est urgent. Et à ce moment, les deux, ils reçoivent un mail de hameçonnage, ou de phishing en anglais. Et donc ce mail fait la promotion d'un nouveau congrès de santé. C'est le collègue de Robert, dans l'équipe TA505, qui est spécialisé dans l'hameçonnage, qui vient de lancer une campagne ciblée sur le CHU de Rouen. Donc dans notre cas, c'est des mails avec des PDF piégés. Et des mails alléchants sur lesquels on a envie de cliquer sur le lien, on a envie d'ouvrir le PDF. Bon, Léa, elle est toujours alerte, elle tombe pas dans le panneau et elle supprime ce mail douteux. Mais Léon, il est intéressé pour en apprendre davantage, c'est un sujet qui l'intéresse en ce moment. Paf, il ouvre la piège jointe piégée. 15 jours après, donc début novembre, on sait que les attaquants sont dans le réseau de CHU, c'est documenté. L'équipe est sur le qui-vive, des attaquants bien sûr. Il ne faut pas qu'elles soient détectées, ils doivent préparer leur opération spéciale. Ça doit faire le plus de dégâts possible. Vous voyez, c'est comme une équipe de commando. L'opération, elle est sous couverture, ils sont chez l'ennemi. Le coup qu'ils vont porter, il doit être précis, brutal. Il doit faire vraiment beaucoup de dégâts pour empocher le plus d'argent possible. Dans notre cas, ça veut dire que tous les dossiers, toutes les données de l'hôpital, elles doivent être chiffrées. Il ne faut pas laisser à l'hôpital l'occasion de s'en sortir. Comme ça, il va être obligé de payer la rançon. Léon, il continue à injecter des médicaments à ses patients. Il vérifie dans le dossier informatisé les informations sur les patients. C'est vrai que ça lui a changé la vie, ces dossiers informatiques. Léa, elle sort d'une réunion où on lui a refusé le budget pour améliorer les équipements de sécurité informatique. Elle essaie de garder son enthousiasme. On lui a quand même accordé 2 mesures qui ne coûtent pas très cher. Des sauvegardes hors ligne de toutes les données seront régulièrement effectuées. Et le réseau sera cloisonné, réseau informatique, pour éviter que les virus ils se baladent trop facilement. Le vendredi 15 novembre au soir, Léa et Léon sont rentrés chez eux, c'est vendredi soir. Quand soudain, à 19h35, des collègues qui sont encore de garde, ils essaient de lancer leur logiciel et ça ne marche pas. En fait, c'est l'équipe de Robert qui lance l'attaque. Il y a une collègue infirmière de Léon, elle essaie d'accéder au dossier du patient. Logiciel charge, il charge longtemps. Elle appelle la hotline informatique, ça marche jamais, décidément. Et la hotline, elle vérifie de son côté et elle confirme que le logiciel ne fonctionne plus du tout. 19h35. Le relais est passé à l'équipe de Léa, les informaticiens. Léa et le directeur du service informatique qui sont rappelés. En fait, il y a effectivement une attaque informatique qui est en train de se produire dans l'hôpital. Léon, l'infirmier, il est aussi rappelé en renfort parce qu'il faut gérer les patients sans moyens informatiques. Au fait, lui, il prend quoi? C'est quoi son groupe sanguin? Quel âge il a? Bref. Léa, elle comprend vite que l'attaque, elle vient de l'extérieur. Donc, elle coupe l'accès Internet à 20h. L'équipe de Robert, elle n'a plus accès au parc informatique. Les pirates, ils n'ont plus accès au parc. Mais ils sont sûrs d'une chose, c'est que tous les serveurs ont bien été chiffrés. Le logiciel Clop, il a bien fait son travail. Et la rançon demandée est de 300 000 euros. Un mail a été envoyé directement au directeur de l'hôpital. Nickel, sans bavure. Côté hôpital, une cellule de crise est créée. Elle est composée des directeurs, des médecins et des experts nécessaires. Nos personnages Léa et Léon, ils font partie de cette cellule de crise. À 21h30, donc ça veut dire 2 heures après le début de l'attaque, La cellule de crise contacte l'ANSSI, donc l'Agence nationale de cybersécurité, le ministère de la Santé et la CNIL. L'ANSSI envoie vite ses experts. Donc autour de 22h, Léa elle confirme que l'attaque c'est bien un rançon logiciel. Hein. Tous les serveurs sont foutus et bien sûr, pas question de payer la rançon. Hein. À 22h, Léa va voir Léon et le personnel de santé, leur explique la situation. Bon, elle les rassure, hein, comme elle peut. Et bah, ils vont quand même devoir réutiliser les papiers, les stylos, les tableaux, bref, à l'ancienne quoi. À minuit, Léa et son équipe, elles coupent tout le réseau et une dizaine de personnes arrivent d'ailleurs en renfort. Donc ça veut dire qu'en fait, les ordinateurs, bah, ils peuvent plus communiquer entre eux hein, sur le réseau de l'hôpital. Gros silence, c'est bon, fou. Le ransomware, il peut plus se propager, les attaquants, ils sont dehors, bon, on peut souffler un peu quoi, minuit. Heureusement, d'ailleurs, il reste le téléphone, ça utilise un autre réseau filaire. Donc Léa, elle peut appeler Léon pour l'expliquer bah, que du coup, le réseau informatique, il est coupé. Les ordinateurs restants, bah, ils ne peuvent plus communiquer ensemble. Il n'en reste plus beaucoup, d'ailleurs. Tout le week-end, bah, du coup, Léa et son équipe, ils vont acheter des pizzas, du café, du coca, parce que bah, il va falloir rebâtir tout le système informatique. Hein. Du coup, les serveurs, les routeurs réseau, il va falloir recréer tout un, bah, tout un informatique quoi, en un week-end. C'est quand même un défi assez grand. Hein. Léon, il réorganise son équipe, parce qu'il n'a plus d'ordinateur. Donc en attendant le retour des ordinateurs, il ne faut pas se tromper de médicaments, les patients, il faut faire attention, c'est toute une nouvelle organisation, une réorganisation. Alors heureusement, il paraît que les repas, qui sont assez spécifiques par patient, ils avaient été commandés juste avant l'attaque, le vendredi. Donc bon, ils ont un peu de répit. Donc samedi, dimanche, ça passe. Lundi, une enquête est ouverte. Toute la presse se fait l'écho de l'attaque. Léa et Léon, ils n'ont pas le temps de suivre hein, la presse. Léa, elle pianote sur son clavier. Léon, il colle des étiquettes et des surligneurs sur le tableau blanc. Ça bosse dur, quoi. Mardi, 60 à 70% des logiciels sont restaurés. 10 jours plus tard, Léon, il n'a pas encore accès à Internet depuis son poste, depuis son PC. Ouais, vous voyez, hein, la restauration complète, elle est quand même assez longue. Hein. Alors, qu'est-ce qui a sauvé l'hôpital? Qui s'en est bien sorti, hein, finalement? Parce qu'ils ont récupéré toutes les données. Si vous avez bien écouté les indices que j'ai parsemés dans l'histoire, vous avez dû trouver que les sauvegardes, elles ont permis de tout récupérer. Le ransomware, il y avait besoin qu'il se propage. En fait, il y avait besoin qu'il se propage manuellement. Donc, il ne se propageait pas automatiquement. Les systèmes d'exploitation étaient assez hétérogènes. Il n'y avait pas que du Windows, il y avait du Linux. Donc, et Clop, le ransomware, il préférait Windows. Donc, ça a permis d'épargner quelques systèmes. Et la réactivité de l'équipe, évidemment, hein, de Léa et de l'hôpital, ça a permis de sauver une bonne partie de l'hôpital. Et vous vous rappelez aussi, il y avait le cloisonnement réseau et les postes éteints. D'ailleurs, il y a eu des postes éteints. Ça a permis bah, du coup de ne pas compromettre ces postes-là. Et le cloisonnement réseau, c'est le fait que bah, le virus ne peut pas se balader comme il veut sur le réseau de l'hôpital. Donc ça, c'est des mesures vous allez me dire, ça, c'est des mesures d'architecture d'informatique. Vous n'avez pas forcément la main dessus, quoi, à votre niveau. Et bien, pour les utilisateurs, on retiendra quelques conseils. Alors déjà, attention aux emails inhabituels, attention aux objets, à la personne, à l'heure. Vous voyez, il y a plein d'indices. Ça peut être assez subtil. Hein. C'est de plus en plus subtil, les attaques par phishing ou hameçonnage. Il faut cloisonner vos activités. Ce que je veux dire, c'est que pro et perso, il faut vraiment le séparer pour protéger le pro. Donc, utiliser des matériels différents, des identifiants différents, des mots de passe différents. Parce que quand ça se mélange et quand du coup le privé est attaqué, bah, quand on utilise une adresse pro sur des blogs privés, et bah, du coup, si le blog est attaqué, bah, c'est tout l'hôpital qui est en danger, quoi. Donc ça, c'est des mesures qu'on peut prendre. Et à la fin, bien sûr, aussi, pour éviter le pire, bah, pour se préparer au pire, il faut effectuer des sauvegardes hors ligne. Ça, c'est ce qui a quand même sauvé l'hôpital. Avant de numériser, de moderniser, avant d'inciter à dématérialiser dans un système de données centralisé, évaluez bien la valeur de vos données. Attention, des geeks se sont criminalisés. Les pirates se sont professionnalisés. Pour permettre à vos patients de cicatriser, sécurisez jusqu'au système climatisé. Créez des zones démilitarisées. Faites des sauvegardes automatisées pour éviter au système d'être carbonisé et que des criminels arrivent à le monétiser. Il aura fallu des attaques pour que l'Élysée refinance un système en train d'agoniser.